toutes ces émissions, piquer tous les paupières dans le véhicule, du scolaire, du quai, tous les percules, pour du pied bain, les stratégies de l'ambiance au fond de français, et nous avons les bateaux qui sont dans les cœurs, les bateaux des contre les convenants, mais tenez ce noyer, nous sommes un principe, tout comme son guet, poisonnier en faillant, et c'est la vie et du sel, que ton véhicule est une crise, dans un lequel il y a de l'or, qui s'y s'est perdu d'avance, mais tous les bons lieux, à la bouillie, qui font mélange de la bouillie et de timidité, confortiste de teint, comme des tailleurs, et cette bouillie en chasse, juste au bout du désir, et toutes ces sensations, ces besoins d'érection, de la joie et de muscle, la seule chose qui découle, c'est maille mouvant, je pique à deux vies qui embauchent et leur parent dans son air,